Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Le MAG, c'est l'émission quotidienne où l'on met en lumière les initiatives locales. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un auteur local. C'est un passionné d'écriture, il explore les relations humaines, convaincu que chaque rencontre révèle une profondeur insoupçonnée. Cet auteur, il s'appelle Jocelyn-Henri Domptoir, c'est notre invité aujourd'hui. Bonjour Jocelyn. Bonjour Marlène. Et Jocelyn est venu accompagné de sa, entre guillemets, secrétaire, qui est également sa fille. Bonjour Léa. Bonjour. Alors Jocelyn, c'est une première pour vous, à la fois l'écriture d'un ouvrage et à la fois l'émission de radio. Oui, exactement. C'est la première fois que je passe dans une émission de radio et c'est la première fois aussi que j'édite un livre. Alors ce livre, c'est un recueil de nouvelles qui est né de vos réflexions sur l'amour, la rivalité et la quête d'identité, inspiré pour la plupart par des histoires vécues et des émotions universelles. Alors ça, c'est un petit peu le laïus qu'on trouve quand on va s'intéresser à ce recueil qui s'appelle « Des histoires et des gens ». Oui, exactement. Et une petite particularité dans ce livre, c'est que dans chaque histoire, il y a une partie de moi, donc une grande partie de vrai, on va dire. Et après, pour le reste, j'ai dû travailler le reste. Alors justement, « Des histoires et des gens », c'est un titre qui intrigue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'idée de départ? Comment s'est née cette idée? Ben, j'ai mis du temps à choisir ce titre et j'ai choisi « Des histoires et des gens » parce que je voulais que justement ça fasse réfléchir les gens qui vont tomber dessus et qui vont se dire « Tiens, des histoires et des gens, ça parle de quoi ?» On a envie d'en savoir plus, on a envie d'ouvrir le livre, on a envie de voir de quoi ça parle. Et effectivement, il y a dans ce livre 20 histoires et à la fin, une lettre à ma fille. Et dans chaque histoire, les histoires ne se ressemblent absolument pas. Dans chacune des histoires, il y a vraiment une partie de moi et beaucoup de vrais que j'ai dû aller chercher le fond de ma mémoire, il y en a qui reviennent de très loin, pour pouvoir les mettre sur papier. Et qu'est-ce qui a inspiré? C'est des rencontres, c'est des faits, des anecdotes, une envie d'explorer un thème particulier? Qu'est-ce qui inspire toutes ces nouvelles? Alors en réalité, j'écris depuis très longtemps. Bon, évidemment, comme je n'ai jamais publié, ça signifie que mes écrits sont restés dans les tiroirs. Et comme je ne travaille pas en ce moment, je me suis dit, il serait temps de les sortir. Donc j'ai voulu les sortir, ce qui ne veut pas dire que c'est facile de se remettre à l'écriture. Il y a beaucoup de feuilles qui partent à la poubelle, mais il ne faut pas baisser les bras. Donc j'ai voulu aller jusqu'au fond de ma pensée et écrire mes histoires. Je ne vais pas vous les raconter parce que le but, c'est d'acheter le livre et de les découvrir. On vous donnera peut-être des extraits. Alors, les personnages qu'on retrouve dans ces nouvelles, parce qu'évidemment, elles sont vivantes ces nouvelles, elles sont truffées de rencontres et de personnages, ce sont des gens qui sont tous réels, c'est-à-dire que c'est vraiment que des choses qui sortent de vécu. Oui. Il n'y a pas de fictif là-dedans, non, du tout. Non, c'est que du vécu. Toutes ces personnes-là existent, et puis c'est que du vécu, des choses que moi-même j'ai vécues. Ça peut revenir de loin, hein, comme moi quand j'étais petit garçon, par exemple. Est-ce que c'est difficile d'écrire sur son vécu, justement? Est-ce qu'il y a des moments où ça peut être tellement marquant, ou aller chercher des choses tellement profondes que ça peut être compliqué de les allonger sur le papier? Difficile, non, dans la mesure où j'ai pris le temps de les écrire. C'est pas comme si ça m'était arrivé hier et que j'ai décidé de tout mettre sur le papier. Il faut avoir laissé couler le temps, laissé passer le temps pour pouvoir revenir dessus et pouvoir l'écrire. Sinon, je pense que ce serait très compliqué de faire un tel travail. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui l'ont lu? Oui, mais sur Paris. D'accord. Voilà. Et une personne qui l'a lu aussi aux États-Unis, au Texas, et qui m'a beaucoup félicité sur mon travail. Alors justement, on en est où de l'étape de cet ouvrage? Parce que je sais qu'il y a une forme de financement participatif pour vous aider justement à faire vivre ce projet réellement. Oui, exactement. C'est tout un processus. C'est-à-dire que bon, moi j'ai envoyé mon manuscrit, ça a été choisi tout de suite, donc j'ai fait des bons à toucher le plafond, mais après il faut redescendre sur terre et se mettre au travail. Je peux donner le nom de mon éditeur. Bien sûr. Ce sont les éditeurs Maya qui se trouvent à Paris. Ils se chargent de tout, mais tout n'est pas si simple. Par exemple, il y a un lien qu'on va vous donner plus tard, et grâce à ce lien, vous pouvez vous connecter sur mon compte Maya, et vous verrez, il y a tout un tas d'explications sur le livre. Vous pouvez aussi commander le livre, pour le moment, en lien, c'est-à-dire sur Internet. Ensuite, vous recevez le livre sous version papier. Et moi, pour avancer dans mon projet de livre, je dois atteindre un certain niveau de vente. Par exemple, pour avoir la couverture du livre, je dois déjà vendre en ligne la somme de 250 euros de livres. Et ensuite, il y a l'étape suivante. Et une fois que j'aurai vendu pour ces 250 euros de livres en ligne, je passe à l'étape suivante où je vais pouvoir rencontrer des personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux ou participer à... Oui, faire des séances de dédicaces, voilà, par exemple, rencontrer les lecteurs. Voilà. Ça peut être le cas dans des bibliothèques associatives ou librairies qui se prêtent effectivement à ce genre de choses. Alors, il y a Léa qui est avec nous, alors qui est toute discrète, mais en quoi elle est intervenue là-dedans, Jocelyn ? Ben, Léa, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu ma petite secrétaire. moi, je n'écris pas sur mon ordinateur. Jamais directement. Moi, tout se fait sur papier. Déjà, je suis incapable d'avoir une idée en tête, de prendre mon ordi et de me dire, tiens, je vais taper. Ça n'est pas possible. Moi, j'ai mes gros cahiers à spirale et j'écris. Il y a beaucoup de ratures parce que des fois, ça ne va pas, j'écris. Et des fois, j'appelle Léa et je lui demande, est-ce que c'est comme ça ? Là, ça va, cette phrase ? Est-ce que là, à ton avis, ça colle ou ça ne colle pas ? Donc, elle me donne son avis, elle tranche et elle est assez directe. Donc, du coup, je peux croire tout ce qu'elle me dit parce qu'elle est assez directe. Et puis, j'avais une histoire qui était assez longue et qu'elle m'a tapé très gentiment un matin. C'est elle qui s'est assise devant l'ordinateur et qui a tapé cette histoire. Alors Léa, tu veux nous dire quelques mots? Est-ce que tu es fière de la démarche de ton papa? Oui. Ouais. Et ça te plaît de l'accompagner justement dans cette aventure-là? Oui. Ouais. Elle fait la timide un peu comme ça, mais quand il s'agit de travailler, elle le fait très très bien. L'histoire qu'a tapé Léa, je dois dire, c'est une histoire qui n'est pas très vieille en réalité. Et le titre de cette histoire, c'est... Mademoiselle Cara, voilà, et ce n'est pas pour rien. Cara, c'est une peluche qui appartient à Léa, voilà, et j'ai donné le nom de Cara au personnage. Ça s'est déroulé aux États-Unis et au parc de... Central Park. Au Central Park. Ah, d'accord. Voilà, voilà. Et c'est l'histoire la plus fraîche, on va dire. Il n'y en a pas d'autres. Donc, pour faire plaisir à Léa, et puis comme c'était, je savais que ça allait lui faire plaisir, donc j'ai écrit cette histoire. Très bien. Et est-ce que ça ferait plaisir à Léa si on écoutait Billie Eilish avec Birds, par exemple ? Oui. Oui ? C'est allez. Une de ses chanteuses préférées. Ah, voilà. Bon, on va écouter Billie Eilish et on se retrouve tout de suite après pour reparler de ce recueil de nouvelles, des histoires et des gens. Exact. Cause it was always you. Eilish sur Radioactive. Vous êtes toujours dans le MAG, votre émission quotidienne sur la vie locale et l'actualité qui la rend aussi riche. Aujourd'hui, nous sommes avec un passionné d'écriture qui sort un recueil de nouvelles. Il s'appelle Jocelyn Henri Domptoir. Jocelyn nous a expliqué dans cette première partie d'émission que son écriture était tirée de ses moments de vie, des anecdotes, de faits, de rencontres. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait que votre vie, elle est différente de celle des autres? C'est quoi votre parcours, par exemple, qui fait que vous avez autant de belles histoires à nous raconter? Je ne pense pas que ma vie soit tellement différente par rapport aux autres. C'est-à-dire que déjà, j'ai eu une enfance assez riche. J'ai eu des parents qui m'ont fait voyager. J'ai beaucoup voyagé. Et à travers tous ces voyages, j'ai appris et j'ai vu énormément de choses. Ouais, les voyages, voilà. Déjà, c'est... On en apprend. Eh oui. On en apprend. Et même dans mon livre, vous verrez, il y a une histoire qui s'appelle « Des contes ». Eh bien, c'est une histoire vécue, où ça se passait aux Antilles, où le soir, on avait des conteurs qui passaient pour nous faire peur en nous racontant des histoires. Et vous verrez, c'est passionnant. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, hein, les jeunes sont sur leur téléphone et ne se parlent plus. Donc ça change un petit peu tout. Et alors, ces nouvelles, elles s'adressent à qui? Est-ce qu'on est sur un public familial, plutôt des adultes, plutôt des ados? Est-ce qu'on peut le lire à ses enfants? C'est plutôt adressé aux ados et aux adultes. Ok. C'est fait exprès. Pour le moment, je me contente d'écrire pour les ados et pour les adultes. On est quand même curieux, Jocelyn, parce que vous nous donnez quelques petits éléments de traduction, de compréhension de votre travail, mais on aura envie d'en savoir un petit peu davantage. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur le contenu d'une des nouvelles de ce recueil? Alors, d'une des nouvelles, vous allez le découvrir d'ailleurs, cet extrait. Si vous allez sur les réseaux sociaux, sur mes comptes, j'ai prévu quelque chose pour vous. Je raconte l'histoire d'un jeune garçon passionné de musique, et refoulé de l'école, rejeté de tout le monde, et qui avait trouvé, pour se retirer de ce monde qu'il n'acceptait absolument pas, c'était d'aménager la cave de ses parents. Il a trouvé, je ne vais pas vous dire comment, un vieux canapé, une vieille table, une vieille chaise, et avec sa guitare, s'enfermait, passait des heures, et grattait, jusqu'à pouvoir sortir une chanson. Et un jour, a eu la chance de rencontrer quelqu'un, et grâce à cette rencontre, parce qu'on n'arrive à rien tout seul, a pu quand même faire quelque chose de bien, vous verrez dans l'histoire. On voit bien l'empreinte de l'ancien travailleur social. Eh oui, effectivement, hein? C'est ça. C'est, vous faites bien de le dire. Moi, j'étais travailleur social, je le suis toujours. Et mon travail dans le social m'a permis de rencontrer énormément de monde. J'ai eu l'occasion d'accompagner plein de gens dans tous les domaines, des enfants, des adultes, des bébés. Et puis, grâce à toutes ces personnes-là, j'ai aussi énormément appris. Je n'ai pas seulement apporté, parce que les gens donnent beaucoup. Il faut savoir recevoir et il faut savoir donner aussi. Mmh. Alors, tout à l'heure, hors antenne, on était en train de discuter et vous me disiez que le but, l'objectif là, que vous recherchiez, c'est d'aller au bout de cette aventure qui est l'édition de ce recueil. Vous n'avez pas l'ambition de devenir un auteur ultra connu, de sortir encore d'autres œuvres, pourquoi pas après, d'autres publications? Alors, j'ai prévu justement de sortir des histoires et des gens d'eux. Ok, oui, très bien. Voilà, et j'ai déjà commencé à écrire, j'en ai déjà écrit pas mal, voilà. Mais je ne cherche pas à être connu et encore moins être connu dans la rue. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ou vivre de cet art. Non plus, c'est pas du tout ça. Écrire, c'est une passion. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai eu deux instituteurs, c'était deux frères jumeaux, je ne les ai pas oubliés. Mmh. Et ce sont ces deux personnes-là qui m'ont donné le goût à l'écriture, voilà, et à l'histoire. Et je suis resté dedans jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne cherche pas à être connu, sinon j'aurais fait autre chose. Et toi, Léa, est-ce que ça te donnerait envie par la suite d'écrire? Peut-être t'écris déjà? Un peu. Un peu, ouais. Et ça, justement, ce projet que mène ton papa, ça te donne envie toi-même, peut-être, un jour? Oui, peut-être. Je pense qu'un jour, Léa finira par sortir ses écrits, parce que Léa a écrit son premier livre. Elle avait entre 7 et 8 ans à graffer pour coller les pages. Génial, hein. L'héritage familial est bien là. Alors, comment on fait, Jocelyn, pour vous aider? Comment on peut soutenir ce beau projet que vous avez avec les éditions Maya? Une prévente est ouverte déjà, hein, comme vous l'expliquiez. Comment on fait pour aller trouver les liens? Mais déjà, Marlène, c'est très, très, très bien de m'avoir invité là aujourd'hui. C'est un grand pas en avant pour moi parce que je peux en parler. Après, moi, j'invite toujours les gens à aller sur les réseaux sociaux où ils vont trouver mon Insta. On va leur donner l'adresse tout à l'heure. Et aussi sur TikTok, ils vont trouver aussi l'adresse de mon compte. Et en cliquant sur le lien qui va apparaître aussitôt, ce lien est partout présent, il suffit de cliquer dessus ou alors de le retaper dans la barre de recherche, et bien vous tombez sur mon site Maya, vous verrez ma photo, vous verrez tout ce qui est dit sur moi chez les éditeurs Maya et comment justement commander ce livre par le biais d'Internet pour me faire avancer, parce que je dois déjà arriver à ces fameux 250 € de vente de livres. Oui, c'est ça, c'est des étapes. Alors, sur TikTok, on vous retrouve à la dénomination Jacob, J-A-C-O-B. Oui. Sur Insta, c'est Josh Domptoir, alors J-O-S-H-D-O-M-P-T-O-I-R. Et puis sinon, vous pouvez taper dans votre barre de recherche HTTP. www.simply-crowd.com avec encore un autre slash produit slash des histoires et des gens avec trait d'union slash. Voilà, et vous pourrez retrouver, mais on vous mettra le lien avec le podcast de cette émission que vous retrouverez sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Ben écoutez, il nous reste vraiment à vous souhaiter tout le succès mérité pour cette belle aventure. On espère qu'il y aura beaucoup de partage et voilà, que vous pourrez mener à bien ce joli projet. Et quant à moi, je vais vous écouter à la radio en pensant que vous êtes en train en même temps de lire toutes ces histoires, en écoutant la radio et vous dire, ben tiens, je vais commander le livre parce qu'ils m'ont donné envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. On l'espère. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci, Marlène. C'est très gentil. Merci. Merci, Léa. C'est la fin de ce mag. Je rappelle que vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook. À demain pour une nouvelle édition à partir de 18h.